Dimanche 9 janvier. Atelier d'écriture au Roudour à Morlaix. Un atelier piloté par Laetitia Degouze, en résonance avec l'exposition « Pour l'instant », qui présente 27 images de Julien Thomas. On commence ce temps-là d'abord avec Julien, puis après entre nous. Avant tout, il nous parle de son travail. Donc c'est pas du tout numérique, il y a vraiment une petite cuisine. Qui fait qu'on arrive à ces superpositions-là. Dans ce travail-là, moi, ce que je mets, c'est que je mets une photo qui est à moi, une photo que j'ai faite, et puis j'invite des éléments d'une photo, l'ensemble d'une photo que je trouve dans des magazines. Ces photos à lui ? C'est un peu ça, les lieux que je photographie, qui sont aussi souvent des lieux qui ont été oubliés, qui ont été abandonnés, des friches. Donc il y a aussi un potentiel pour le futur. Donc voilà, donc il y a l'histoire d'avant, une histoire possible d'après. Et là, on est sur l'instant de ce lieu tel qu'il est, tel que je le photographie. Ces images volées. Avec là aussi des images qui me parlent. Ce ne sont jamais des images où on va reconnaître un acteur très connu ou un lieu ou un film très connu ou connu. Non, c'est plutôt des images que je trouve qui m'intriguent et qui ont aussi, il y a une histoire qu'on sent, qui n'est pas révélée, donc elle reste encore à faire. Sa technique. Il applique un vernis sur l'image magazine. Et là, je viens avec les doigts enlever le papier et il me reste comme une peau fragile, très fragile, mais avec l'image qui est dessus et je viens la poser. Et c'est ça, quand je parle de pour l'instant, c'est juste pour ce moment-là où j'ai un petit vertige, que je me dis, ça colle, c'est super, j'aime bien cette image. Donc voilà. Donc dans cette superposition, il y a des pertes, des choses qui. Il y a des consonances, des dissonances aussi, mais j'aime bien ces dissonances. Là. Je suis Marie-Thérèse. Je suis Julien. Est-ce que j'aime ce prénom qui m'a été... Je ne suis pas un oiseau. Je suis Catherine. Je suis en rêve. Je suis Laetitia. Je suis une vieille Laetitia. Je suis Élise. Et j'ai des ailes dans ma tête. Je suis Valérie. Je ne suis pas toujours moi-même. Je suis Alice. Je suis Sophie. Je suis Laurence. Je suis Marguerite. Je suis Clémentine, beige comme le fruit. Et le... Je suis dans les nuages. Et puis les consignes, les écrits et les lectures sur le vif. Des mots, des voix en résonance avec l'exposition, pour l'instant. 5 minutes, donc très court, vous allez commencer, ce sont des phrases inductives du coup, et vous allez toutes commencer votre texte, quelle que soit la forme du texte. Je ne vais pas du tout regarder ça, il y a une seule contrainte qui est le début de phrase. Et la première phrase de notre texte, je vais écrire avec vous, sera « écrire c'est ». Point. Écrire, c'est laisser glisser la mine. Écrire, c'est laisser glisser les mots. Ou plutôt les poser. Peut-être les ancrer. Ou alors les libérer. En tout cas, les mettre bout à bout. C'est donc tracer une direction, un chemin. Écrire, c'est bien avec un bâton dans le sable. C'est froid avec le doigt sur la vitre. C'est friable et illisible avec le bout d'une allumette brûlée. C'est long, c'est intimidant, c'est rien. Donc là, c'est pareil, vous allez faire une liste à partir de ce que je vous ai mis là, vous inspirant de cette exposition-là. Là, j'ai sans doute pas été très claire. Une rivière en été, un personnage à la hauteur en contre-jour devant sa fenêtre, une révolte, une chambre où il s'est passé quelque chose d'innommable, un voilier enfermé dans un gymnase, une tête de loup décapitée, une photographe photographiée, des cocotiers transparents, une voiture avec chauffeur, un océan couleur menthe glaciale, une fusée qui crache du feu, une plage de rêve avec un cadavre d'enfant discret, des flammes qui ressemblent à du sang, le plafond de l'opéra, un crâne de roc, des bras levés, des silhouettes d'arbres effeuillés, un chapeau haute forme, une bouche bleue, une piscine où fond et plafond sont inversés, des manifestants naufragés, des mots en anglais, exit only, un singe disséqué, un bout de cervelle en bouteille, un portrait avec des pieds et des mains, une fille décharnée, encore une flaque de sang, un ptérodactyle, 3 enfants, des antennes de télé, des détails cachés, des bras levés, des rochers, terrain vague et entrepôt désaffecté, grilles et barreaux, une touche d'Amérique, 2 lavabos, une statue sans queue ni tête, l'ombre de la concierge. Note de chevet, le personnage, les titres, et s'il nous reste du temps, je pense que ça serait intéressant aussi qu'on fasse les mots jetés. On savait que le voyage serait long, personne n'était à l'abri de péter un câble. Nous étions excités de nous rejoindre en chemin pour poursuivre les vacances, s'installer dans cette maison avec piscine que nous avions choisie sur photo. Premier arrêt à la frontière, ça sent mauvais dans ce café. Ils ont peut-être vaporisé du poison. Je suis enfermée dans les toilettes, la porte ne s'ouvre plus et si c'était le fantôme qui m'y retenait. Je ris, c'est plus fort que moi. Il nous arrive toujours des trucs pas possibles quand nous sommes ensemble. Il fait chaud, le soleil brûle. Ce café sans fenêtre est une boîte. Ça pue, ce qu'on mange est dégueulasse, mais pas cher. 7 euros pour 9. Nous poursuivons, nous arrivons. La maison, sa piscine, ses matelas. Il est chouette ce projet de se perdre ensemble et de laisser s'envoler nos pensées, nos mots, nos rêves, avec ceux qu'on aime, ceux avec lesquels nous choisissons de partir, de prendre le train. Il fait chaud, elle débute un chant à partir de ce que nous vivons. Sur la route des vacances, ça pue, on est tous en transe. Jadis, on recevait la nouvelle par câble. Il valait mieux être assis pour l'encaisser, cette nouvelle-là. Sur ce siège-là, par exemple, au milieu des trois autres sièges de couleur bleue, en plastique dur, comme ceux du bord de la piscine. Elle pue toujours autant, cette piscine, elle pue toujours autant le chlore, et je n'y mets plus depuis longtemps le bout de l'orteil. Je connais trop les dégâts causés sur la faune aquatique par ce poison que des générations de bonnes ménagères versaient abondamment dans l'eau de lavage pour blanchir les draps. Il faut en effet que les draps soient impeccablement immaculés, sans quoi les fantômes les désertent et restent là, piteux comme des ânes en peignoir. Il valait donc mieux être assis pour l'encaisser, cette nouvelle-là. Je suis précisément assis, dans cette chambre sans air, sur le lit défait dont on aperçoit l'imprimé pisseux du matelas. Il faudrait que je me lève, là, maintenant. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Ouvrir la fenêtre de cette chambre pour y laisser pénétrer l'air frais, s'envoler mes pensées noires. La prise était terminée, le câble de la caméra traînait par terre. En sortant de la piscine, elle s'y prit les pieds, chuta lourdement et s'évanouit. Tel un poison insidieux, le fantôme de son passé refit surface. Sa chambre d'enfant plongée dans le noir, ce matelas dont elle aurait voulu s'envoler, ses chants qu'elle entonnait silencieusement pour s'échapper, lui échapper lorsqu'il entrait dans sa chambre. La sensation étouffante qu'il était parvenu à l'enfermer dans une boîte, au matin, à l'opacité de la nuit, succédait la transparence du jour. C'est le fantôme de la femme qu'il a aimée et qui a disparu. Sa caméra tente de la capter pour qu'il puisse cette fois-ci la garder. Mais elle le défie encore. Il le voit bien à la hauteur de ses talons aiguilles. Elle est encore plus grande, plus offensive, plus séductrice. Son sourire aussi le défie, tout comme sa chevelure encore plus blonde et ondulée. La silhouette presque transparente ne fait que passer, il le sait, mais son cœur saigne en revivant dans une fulgurance la passion qui les a unis pendant le tournage de son premier film. Et pendant ce temps-là, elle ne le regarde pas. Non, elle traverse l'espace, hautaine et confondante. Son histoire du moment la capte, corps et âme. Les sentiments qu'elle éprouve à l'égard de son nouvel amant l'empêchent de détourner son regard, ne serait-ce que quelques secondes. Elle se sent transfigurée. Désormais, lui qui tient sa caméra et elle, voilà, désormais, lui qui tient sa caméra et elle qui enjambe ce parquet sont sur deux lignes parallèles. Ils ne peuvent se rencontrer. Une histoire se termine, une autre recommence pour elle. D'accord, on chope, on oublie les photos, d'accord, on chope le titre, un titre, et on écrit sur ce titre-là. D'accord. 7 minutes de tac, ce titre-là, donc pas forcément en rapport avec l'expo ou pas, enfin, il y a un titre qui nous, qui nous percute, et c'est celui-là qui doit nous induire sur notre écriture. 7 minutes là-dessus. Moi, c'est Jardin perdu, j'ai pris comme titre. Il était dans ma poche jusqu'à hier, tout entier dans ma poche. Je pouvais y aller quand il me plaisait. J'y flânais, je trimais, j'y suais. J'ai récolté de quoi réveiller mes papilles de temps à autre et voilà, je l'ai perdu. Je l'ai plus. Je ne peux plus y perdre du temps. J'ai perdu mon jardin. Non pas qu'il n'existe plus, non. J'ai perdu la clé de mon jardin. Je n'y ai plus accès. J'ai perdu le chemin. Et par là même, quelque part, je me suis un peu perdue moi-même. Est-ce irrémédiable? Qui sait? Sur l'île, refaire la vie avant la plage, après la traversée, le premier pas sur le rivage, tout est doute, à l'unir, lever la tête avec morgue, portant le poids des premiers hommes, affronter la page blanche du paysage étal, vision brute du futur, à bâtir ou à laisser vivre. En tous les cas, la consigne, c'était de choisir un personnage dans une des photos et de raconter à la fois qui il est, ce personnage-là, et ce qu'il est à ce moment-là précis dans la photo. Ce qu'il voit, ce qu'il... Voilà, de raconter la vie de ce personnage. Elle arrive en marchant, en courant, en trottinant, en sautant, en ralentissant, en accélérant, en parlant, en chuchotant, en criant, en pleurant, en ricanant, en rigolant, en pensant, en aimant, en détestant, en haïssant. Elle arrive à tâtons ou à talons. Elle arrive, attention. Dylan déteste la piscine, mais pour venir à la rencontre de Mélissa, il est prêt à faire pas mal de sacrifices. Aujourd'hui, il avait une répé avec ses potes à la MJC. Il a envoyé un SMS à tout le monde pour prévenir quand même, parce qu'il est cool, Dylan. Mélissa aime bien quand il vient le voir à ses cours de natation. Dylan a 16 ans et demi, il a pris 16 cm depuis l'année dernière, donc il sait pas trop où mettre ses bras, ses jambes et ses cheveux. C'est un gars qui adore la folk, il fait de la guitare dans son groupe et il adorerait que Mélissa soit la chanteuse, mais il ose pas trop lui demander. Il est beau avec ses maladresses. Mélissa se moque de lui, mais c'est ce qu'elle préfère chez lui. Lui n'est encore jamais sorti avec une fille, donc il avance à tâtons. À la maison, ses petites sœurs aussi le chambrent là-dessus. Et donc, deuxième partie. À chaque fois que je la vois, je ne sais plus où me mettre. Je rêve de l'enlacer, lui rouler une pelle et qu'elle me regarde avec son sourire béat. Mais en vrai, j'en suis pas à ce stade. Si le mec au fond de la piscine arrive au bout et s'arrête, je le fais. Ah bah, il s'est pas arrêté. Dommage. Je me suis entraînée sur mon bras à emballer et je trouve que pour un débutant, je m'en sors pas mal. Mais bon, on verra. J'y vais et puis j'improvise. C'est une super nana et Martin, il m'a dit que ça lui avait fait le même effet avec sa copine au début. La chair de poule, le cœur qui bat, c'est ça être amoureux. Je sais pas si je vais lui chanter la chanson que je lui ai écrite. Hier soir, je lui ai trouvé un nom. Us and the Sun. J'ai mis du temps avant de trouver celui-là. Je pense qu'à la fête de la musique, elle se reconnaîtra. Et vu qu'on a le droit de sortir avec la bande, ce sera peut-être le jour J. Marius était en train de se perdre. La visite au musée, tenir la main de papa et maman, au lieu de courir au soleil, taper dans un ballon. Et s'il devenait transparent, comme un fantôme, se cacher derrière une statue, s'envoler, puis sauter du haut de la fenêtre dans la piscine. Oui, il pourrait aussi entrer dans la boîte à musique que lui montre maman du doigt, faire semblant de chanter, faire semblant de prier comme au caté, à côté du confessionnal. En vrai, ce serait bien de sauter d'un câble à un autre, comme un trapéziste, avec un matelas en dessous au cas où. Et puis manger des bonbons. C'est du poison tous ces bonbons, dit mamie. Mais moi, je m'en fiche, dit Marius. C'est le meilleur. C'est lourd un câble, lourd et encombrant, mais une fois tendu, c'est un fil, une piste de décollage. Inspire et monte sur la passerelle. Avance un orteil prudent comme pour goûter l'eau de la piscine. Avance un pied puis l'autre en suspens. Crois très fort que tu vas t'envoler et marche. Tu t'illumines comme une statue de Saint Béat au fond d'une église. Un soleil brille en toi, tu es radieuse. Ta soudaine transparence ne t'effraie pas, elle t'emmène de l'autre côté, elle te guide. Pas besoin de matelas pour amortir la chute. Tu marches, sans te perdre. Tu vas tout droit. Le chant qui résonne dans ta tête te porte et parfois même il sort de toi. Vocalise aérienne. La pesanteur est un poison que tu craches en riant, soulagé. Tu es légère comme un fantôme. La peur ne t'arrête pas, ne t'arrête plus. Tu n'es plus enfermée dans une petite boîte. Tu voles sans parler, désencombrée. Tu es transparente mais tu l'acceptes. Pas besoin de confessionnal. Tu as le droit d'avancer jusqu'au bout, funambule libérée.